la vieille. Là, sur le versant sud de la colline, la jolie petite maison des Martins domine la vallée. Pour y accéder en venant du bourg, on suit le petit sentier boisé le long de la rivière. Souvent, on croise un faisan, une libellule. C'est plein d'écureuils. C'est gai l'été quand les feuilles des tilleuls jouent avec le soleil. Au bout du chemin, le portail, quand il s'ouvre, dévoile le jardin coupé en deux par la grande allée qui mène à la maison. Les ifs sont bien taillés, la pelouse bien rase. Les enfants Martins jouent dehors, qui au ballon, qui à la balancelle. Le chien et le chat se chamaillent gentiment. Monsieur Martin lustre la belle voiture neuve. Le fumet d'une tarte aux pommes s'échappe de la cuisine de Madame Martin. Il fait bon vivre dans la jolie petite maison carte postale. Mais si on s'égare sur le chemin, si on s'éloigne de la rivière, on peut aussi croiser la maison de la vieille. Mais ce serait un hasard, car ici, l'allée n'est plus entretenue depuis de nombreuses années. Les herbes folles ont poussé. Mais avec un peu de persévérance, on parvient au pied de la maison. Là, des tuiles jonchent le sol, les volets ne ferment plus, coincés par le lierre. Hibou et araignées ont fait leur le grenier. Les rats fuient quand on ouvre la porte. C'est là qu'elle vit, la vieille, à la lueur de la lampe à pétrole, au milieu de ses déchets. Devant son assiette sale, dans ses draps même plus gris. Elle dort avec un bâton, la vieille, pour que les rats la laissent un peu tranquille la nuit. De toute façon, ce n'est plus la peine d'y aller chez la vieille. Le facteur l'a trouvée morte lundi dernier. Et comme elle était morte, elle n'a pas pu donner de coups de bâton. Alors les rats, les mouches aussi. Sur la tombe de la vieille, Madame Martin a daigné poser une modeste gerbe de fleurs et une plaque de faux marbre où elle a fait graver « À ma chère mère ».